Planète ado. Anbin se rebelle. De Marie Govillet. Chapitre 1. Je vous présente. Moi. Au collège, on m'appelle Julie. J'ai 14 ans. Je suis née à Paris, dans le 13e arrondissement. Je suis française. J'aime la musique. J'aime lire, surtout les romans policiers. Et j'aime aussi les cours d'allemand et d'histoire géo. Je n'aime pas les maths, manger à la cantine, porter des robes. J'ai une tête, deux mains, deux pieds et 10 doigts. J'ai aussi 2 oreilles, un nez et une bouche. Je suis une fille comme les autres. Je me trouve plutôt banale. Je suis pas grande, pas petite, pas grosse et pas mince, pas jolie, mais pas moche non plus. Par contre, quand je regarde dans un miroir, je vois que je ne suis pas vraiment banale. Et pas très française non plus. Parce qu'au-dessus de ma bouche et de mon nez, un peu trop grand, les 2 yeux qui me regardent sont noirs et bridés. Mon vrai prénom, c'est Anbin, et je suis une fille d'immigrée. Ça veut dire que mes parents, eux, ne sont pas français. Je m'appelle Anbin Nguyen, et mes parents sont des immigrés vietnamiens.